إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc inshallah ta'ala, on commence la lecture du tafsir de l'exégèse de sourate al-mulk, sourate la royauté. قال الله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. الله عز وجل dit selon le sens: exalté soit celui dans la main de qui est la royauté et il est capable de toute chose, celui qui a créé la mort et la vie afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Pardonneur. Celui qui a créé sept cieux superposés, sans que tu vois de disproportion en la création du Tout Miséricordieux. Ramène le regard, ramène sur elle, c'est-à-dire sur cette création, le regard. Y vois-tu une brèche quelconque? Puis retourne ton regard par deux fois. Le regard te reviendra humilié et frustré. Voilà. الشيخ السعد رحمه الله تعالى تبارك الذي بيده الملك أي تعاظم وتعالى وكثر خيره وعم إحسانه من عظمته أن بيده ملك العالم العلوي والسفلي فهو الذي خلقه ويتصرف فيه بما يشاء من الأحكام القدرية والأحكام الدينية التابعة لحكمته ومن عظمته كمال قدرته التي يقدر بها على كل شيء وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة كالسماوات والأرض وخلق الموت والحياة أي قدر لعباده أن يحييهم ثم يميتهم ليبلوكم أيكم أحسن عملا أي أخلصه وأصوبه فإن الله خلق عباده وأخرجهم لهذه الدار وأخبرهم أنهم سينقلون منها وأمرهم ونهاهم وابتلاهم بالشهوات المعارضة لأمره فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل أحسن الله له الجزاء في الدارين ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله فله شر الجزاء وهو العزيز الذي له العزة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادت له المخلوقات الغفور عن المسيئين والمقصرين والمذنبين خصوصا إذا تابوا وأنابوا فإنه يغفر ذنوبهم ولو بلغت عنان السماء ويستر عيوبهم ولو كانت ملء الدنيا. Donc, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah, dit, l'explication de Surat Al-Mulk, tafsir Surat Al-Mulk, wa hiya makkiyah. C'est une sourate mekkoise, dans laquelle Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, exalté soit celui dans la main de qui est la royauté. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est exalté, et ses biens sont nombreux, et ses bienfaits sont vastes, et fait partie de l'immensité d'Allah Azza wa Jal le fait qu'il a entre ses mains la royauté des mondes célestes et des mondes terrestres. C'est lui qui les a créés et c'est lui qui les dirige et qui les administre comme il le veut à travers ses jugements universels et ses jugements religieux qui résultent de sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de son immensité le fait qu'Allah Azza wa Jal a une force parfaite, qu'il est capable de toute chose. Et c'est par cette force qu'il a créé ce qu'il a créé comme immense créature, comme les cieux et la terre. Puis il dit Azza wa Jal, celui qui a créé la mort et la vie. C'est-à-dire qu'il a prédestiné à ses serviteurs le fait de leur donner la vie puis de les faire mourir. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, afin de vous éprouver qui de vous est le meilleur en œuvre. C'est-à-dire qui de vous accomplira l'adoration la plus sincère et la plus en concordance avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jalla a donc créé ses serviteurs et il les fera sortir de cette vie d'ici-bas. Et Allah Azza wa Jalla a informé qu'un jour ou l'autre, ces créatures quitteront cette vie d'ici-bas. Il leur a dirigé des commandements, de même qu'il leur a interdit des choses. Allah Azza wa Jalla les a également éprouvés à travers des tentations qui contredisent ces commandements. Celui donc qui se soumet aux commandements d'Allah et fait des œuvres pieuses, Allah Azza wa Jalla lui accordera la meilleure récompense dans les deux demeures. Quant à celui qui tend vers ses passions et celui qui rejette le commandement d'Allah, alors à lui la pire des rétributions. Wa huwa al-aziz, et c'est lui le Tout-Puissant. C'est lui qui détient toute la puissance et cette puissance par laquelle il a la suprématie subhanahu wa ta'ala sur toute chose. Une puissance à laquelle se soumettent l'ensemble de ses créatures. À laquelle se soumet l'ensemble de ses créatures. Al-Ghafur, le pardonneur. Celui qui pardonne à ceux qui commettent des péchés, à ceux qui font du tort à eux-mêmes. Il pardonne de façon particulière à ceux qui se repentent et qui reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pardonnera alors leurs péchés, même s'ils atteignent les cieux, et Allah Azza wa Jal fera en sorte de cacher leurs défauts, même s'ils remplissent la terre. Thumma qal, alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ay kullu wahidatin fawqa al-ukhra, wa lasna tabaqatan wahidah, وخلقها في غاية الحسن والإتقان ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت أي من خلل ونقص وإذا انتفى النقص من كل وجه صارت حسنة كاملة متناسبة من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب النيرات الثوابت منهن والسيارات ولما كان كمالها معلوما أمر الله تعالى بتكرار النظر إليها والتأمل في أرجائها فقال فارجع البصر أي أعده إليها ناظرا معتبرا هل ترى من فطور أي نقص واختلال ثم ارجع البصر كرتين والمراد بذلك كثرة التكرار ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أي عاجزا عن أن يرى خللا أو فطورا ولو حرس غاية الحرص ثم صرح بذكر حسنها فقال سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Puis Allah Azza wa Jal dit, selon le sens, c'est lui qui a créé les sept cieux superposés. C'est-à-dire que chaque ciel est au-dessus de l'autre. Les cieux ne sont donc pas un seul et même niveau. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a créés de la plus parfaite et la plus minutieuse des façons. مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ. Sans que tu vois de disproportion en la création du tout miséricordieux. C'est-à-dire sans que tu ne vois de faille ou de défaut. Et une chose, lorsqu'elle est exempte de défaut, elle devient alors parfaite et bellissime. Et elle est adéquate sous tous les points, dans sa couleur, dans sa forme et dans son élévation. Le ciel est également parfait dans le fait qu'il comporte le soleil, la lune et les astres illuminés, des astres qui sont fixes et d'autres qui sont mobiles. Et parce que la perfection de la création des cieux est parfaite, Allah subhanahu wa ta'ala a appelé à multiplier l'observation de ce ciel et à méditer dans ses limites. Il dit Azza wa Jal, Farji'il basar, ramène sur elle le regard, c'est-à-dire sur les cieux. C'est-à-dire, regarde les cieux de façon pertinente. Hal tara min futur, y vois-tu une brèche quelconque? C'est-à-dire, y vois-tu un défaut ou y vois-tu un déséquilibre? ثم ارجع البصر كرتين. Puis retourne ton regard par deux fois. Et le but de cela est le fait qu'Allah Azza wa Jal appelle à regarder et à multiplier l'observation des cieux afin de se rendre compte de sa perfection. Puis Allah Azza wa Jal dit ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Le regard te reviendra humilié et frustré, c'est-à-dire que ce regard sera incapable de voir un quelconque défaut, une quelconque fissure, un quelconque déséquilibre, même si la personne y mettait tous ses efforts. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a clairement cité la beauté de ses cieux. Il dit Azza wa Jal selon le sens. Nous avons effectivement embelli le ciel le plus proche avec des lampes, c'est-à-dire des étoiles, dont nous avons fait des projectiles pour lapider les diables, et nous leur avons préparé le châtiment de la fournaise. Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Quand ils y seront jetés, ils y entendront un gémissement tandis qu'ils bouillonnent. Peu s'en faut que de rage il n'éclate, c'est-à-dire l'enfer. Toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent « Quoi ? Ne vous est-il pas venu d'avertisseur ?» Ils disent « Mais si, un avertisseur nous était venu certes, mais nous avons crié au mensonge et avons dit « Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. » Et ils disent « Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. » قال الشيخ السعدي رحمه الله أي ولقد جملنا السماء الدنيا التي ترونها وتليكم بمصابيح وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء فإنه لولا ما فيها من النجوم لكان سقفا مظلما لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينة للسماء وجمالا ونورا وهداية يهتدى بها في ظلمات البر والبحر ولا ينافي إخباره أنه زين السماء الدنيا بمصابيح أن يكون كثير من النجوم فوق السماوات السبع فإن السماوات شفافة وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيها وجعلناها أي المصابيح رجوعا للشياطين الذين يريدون استراق خبر السماء فجعل الله هذه النجوم حراسة للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض فهذه الشهب التي ترمى من النجوم أعدها الله في الدنيا للشياطين وأعتدنا لهم في الآخرة عذاب السعير لأنهم تمردوا على الله وأضلوا عباده ولهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير فلهذا قال وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير الذي يهان به أهله غاية الهوان إذا ألقوا فيها على وجه الإهانة والذل سمعوا لها شهيقا أي صوتا عاليا فظيعا تكاد تميز من الغيظ أي تكاد على اجتماعها أن يفارق بعضها بعضا وتتقطع من شدة غيظها على الكفار فما ظنك ما تفعل بهم إذا حصلوا فيها ثم ذكر توبيخ الخزنة لأهلها فقال كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير أي حالكم هذا واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبروا عنها ولم تحذركم النذر منها قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله ولم يكفهم ذلك حتى أعلنوا بضلال الرسل المنذرين وهم الهداة المهتدون ولم يكتفوا بمجرد الضلال بل جعلوا ضلالهم ضلالا كبيرا فأي عناد وتكبر وظلم يشبه هذا وقالوا معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فنفوا عن أنفسهم طرق الهدى وهي السمع لما أنزل الله وجاءت به الرسل والعقل الذي ينفع صاحبه ويوقفه على حقائق الأشياء وإثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ما على كل ما عاقبته ذميمة فلا سمع لهم ولا عقل وبهذا وهذا بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان فإنهم أيدوا إيمانهم بالأدلة السمعية فسمعوا ما جاء من عند الله وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم علما ومعرفة وعملا والأدلة العقلية المعرفة للهدى من الضلال والحسن من القبيح والخير من الشر وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول فسبحان من يختص بفضله من يشاء ويمن على من يشاء من عباده ويخذل من لا يصلح للخير في الله عز وجل دي الشيخ السعدي رحمه الله dit et nous avons embelli c'est-à-dire le ciel le plus proche que vous voyez et qui est en face de vous nous l'avons embelli avec des lampes qui sont les étoiles qui sont différentes dans leur luminosité s'il n'y avait pas les étoiles le ciel serait un toit sombre qui ne serait pas embelli. Ainsi, Allah Azza wa Jal a fait de ces étoiles une beauté pour le ciel et une lumière, de même qu'il en a fait un moyen d'orientation dans les ténèbres de la terre et de la mer. Car les étoiles sont utilisées pour se diriger et pour s'orienter. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal ait cité que les étoiles soient un embellissement du ciel le plus proche, c'est-à-dire du ciel de ce bas monde, cela ne nie pas le fait que des étoiles peuvent être au-dessus des sept cieux, car les cieux sont transparents. Et de ce fait, ces étoiles, mais elles peuvent être au-dessus du ciel le plus proche, mais être quand même une beauté pour ce ciel le plus proche. Car comme l'a dit Al-Sheikh, les cieux sont transparents. وَجَعَلْنَاهَا dont nous avons fait ces étoiles, c'est-à-dire ces étoiles dont nous avons fait رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ des projectiles pour lapider les diables. Les diables qui veulent voler les informations des cieux. Allah Azza wa Jalla a donc fait de ces étoiles une protection pour une protection des cieux contre un quelconque vol d'informations de la part des diables. وَاَعْتَدَنَا لَهُمْ et nous avons préparé, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, dans la vie de l'au-delà, عَذَابَ السَّعِيرِ le châtiment de la fournaise. Car ces diables se sont rebellés contre Allah, ces diables ont égaré les serviteurs d'Allah, et de ce fait, ceux qui les ont suivis sont des mécréants comme eux. Et Allah Azza wa Jal leur a préparé le châtiment de la fournaise. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dit dans le verset suivant, « Ceux qui ont mécru à leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer. » Un châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. Un châtiment qui aura parmi ses buts, ou parmi les buts de ce châtiment, c'est de rabaisser et d'humilier. Lorsqu'ils y seront jetés, c'est-à-dire en guise de rabaissement et d'humiliation, « Sami'u laha shahiqa » ils entendront dans cet enfer un gémissement, c'est-à-dire un bruit extrêmement fort et effrayant. Takadu tamayyazu min al-ghayz, peu s'en faut que de rage il n'éclate. C'est-à-dire, peu s'en faut que l'enfer, de par sa colère envers ceux qui n'ont pas cru en Allah, de par sa rage, peu s'en faut que cet enfer n'explose et ne s'éclate. C'est-à-dire que peu s'en faut que ces parties se séparent et qu'ils se déchirent de par sa rage contre les non-musulmans. Que penser alors de ce que cet enfer pourrait faire à ces non-musulmans ? Si cet enfer est enragé au point d'exploser contre les non-musulmans, que dire du châtiment qu'elle leur infligera quand ils y seront plongés. Puis Allah Azza wa Jal a cité le blâme des gardiens de l'enfer envers les habitants de l'enfer. Et il dit Azza wa Jal, toutes les fois qu'un groupe y est jeté, ses gardiens leur demandent. Ces gardiens leur demandent, ne vous est-il pas venu d'avertisseur ? C'est-à-dire la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et le fait que vous méritiez l'enfer, n'avez-vous pas été averti contre celle-ci ? Un avertisseur n'est-il pas venu à vous pour vous mettre en garde ? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. Ils disent, mais si un avertisseur nous était venu, certes un avertisseur nous était venu, mais nous avons crié au mensonge et avons dit, Allah n'a rien fait descendre, vous n'êtes que dans un grand égarement. Ils ont rassemblés entre eux le fait de traiter de mensonge, lorsqu'ils ont dit « Mais nous avons crié au mensonge ». Ça, c'est un mensonge qui leur est propre. Puis, ils ont dit et avons dit « Allah n'a rien fait descendre ». Ici, c'est un mensonge général. Ils traitent de mensonge tout ce qu'Allah a fait descendre. Et ils ne se sont pas contentés de cela, mais ils ont dit, vous êtes dans un grand égarement. Ils ont traité d'égaré les prophètes avertisseurs d'Allah Azza wa Jal, qui sont ceux qui guident. Et ils ne se sont pas contentés de les traiter d'égareurs, mais ils ont dit qu'ils étaient dans un grand égarement. Vous n'êtes que dans un grand égarement. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, quelle rébellion et quel orgueil et quelle injustice ressemble à celle-ci. Et ils disent, en reconnaissant le fait qu'ils n'étaient pas dans la voie droite et qu'ils n'étaient pas guidés, لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Si nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens de la fournaise. Ainsi, ils ont admis qu'ils n'étaient pas dans la guidée. La guidée qui est le fait d'écouter ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé et d'écouter ce qu'ont apporté les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'éloigner, d'accourir vers le bien et de s'éloigner vers tout ce qui pourrait amener à une mauvaise finalité. Ainsi, ils n'ont pas entendu et ils n'ont pas raisonné. Ceci contrairement aux gens qui ont la certitude, ceux qui ont la connaissance, les gens de la véracité et de la foi, ceux qui ont renforcé leur foi à travers des preuves claires et fermes. فَسَمِعُوا مَا جَاءَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Ils ont écouté ce qui est venu de la part d'Allah. Et ils ont écouté ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme science et comme acte. Et il y a les preuves également logiques. Les preuves qui permettent de reconnaître la guidée de l'égarement, la beauté de la laideur, le bien du mal. Et Allah subhanahu wa ta'ala accorde de par son bienfait à qui il veut. Allah accorde son bienfait à qui il veut. Et il comble de bienfaits qui il veut parmi ses serviteurs. Et Allah azza wa jal humilie celui qui n'accomplit pas le bien. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.